Allons, mes chers amis, réjouissons-nous puisqu'à présent vous êtes chez moi et que nous allons célébrer la fête de notre bien-aimé souverain. Oh. c'est exquis, c'est un charme. Ah, à vous voilà, prince. J'ai failli vous attendre. Et c'était entre Louis XIV et moi une ressemblance de plus. Enfin, vous devez écarter de Missa Palmieri tous les prétendants. Le plus dangereux est Camille de Coutançon. Et pourtant, on le prétend amoureux d'une autre, d'une femme mariée. Oui, un éventail et une lettre en sont la preuve. Les hommes sont de curieuses créatures. Et les femmes, messieurs. Ne pensez-vous pas qu'en fait femme, l'homme le plus savant n'est qu'un écolier? Ah oui, oh les femmes. Je proclame que chaque femme, qu'elle soit teinte ou sans phare, vierge folle ou vierge sainte, Jeanne d'Arc ou Putiphar, ne s'enflamme que par traitement différent. Ça dépend de son état d'âme ou de son tempérament. Celle-ci, féline comme une chatte, miaou, miaou, petit mimi, veut que son vol l'amant la flatte comme ça, comme ceci. Celle-là préfère qu'on la batte et même elle vous dit merci. À coup de poing ou de savate, comme ça, comme ceci. Ceci. L'une veut des baisers pleins d'ivresse, l'autre de savantes caresses qui lui font pousser des cris. Mais toute femme ou maîtresse, qu'on soit laid comme eux, qu'on soit jolie comme moi, on les prendra avec des espèces comme ça. Comme ceci. Oh oui, depuis qu'Ève, égouttant le serpent, séduisit cette bonne patte d'Adam, l'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme, femme, femme, femme, femme. Elle le change du soir au matin. Hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin. On n'y fera jamais rien, rien, rien. Oh les femmes, sacrées femmes. Oh les femmes, sacrées femmes. Depuis qu'elle écoute dans le serment, séduisit cette bonne patte d'Adam. L'homme ne sait jamais ce que femme. Cœur de femme, femme, femme, femme, femme. Elle le change du soir au matin. Il ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin. On n'y fera jamais rien, rien, rien. Depuis qu'Ève, écoutant le serpent, séduisit cette bonne patte d'Adam, l'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme, femme, femme, femme, femme. Elle change du soir au matin, hier ne ressemble pas à demain. Pas moyen de comprendre le cœur féminin, on n'y parle jamais rien, rien, rien. Prince, je vous cherchais. Pourquoi écartez-vous tous les amoureux que j'ai? Pour l'amour de l'art. Quelqu'un qui vous écouterait croirait que vous m'aimez. Ce quelqu'un se tromperait. Alors donnez-moi un conseil. Dois-je me marier? Et avec qui? Je ne sais pas. Et je ne veux plus rien vous dire. J'ai trouvé un éventail où vous avez écrit « C'est vous que j'aime ». Madame, cet éventail n'est pas de moi. Mais chut! Voici un couple qui vient. Retirons-nous. Oh! Mais c'est Monsieur de Coutançon et la femme de ce pauvre Popov. Viens dans ce joli pavillon, il apparaît très indulgent. De voir, de ne rien dire et de ne rien voir. Il sera propice, accueillant et complice. Viens là. Ouverte nous invite et la mer de murmurer. Entrez. vient, la porte ouverte nous invite, elle a l'air de murmurer. Oh, viens. Camille de Coutançon avec une femme. Oh, tout va bien du moment que ça n'est pas Missia. Ne regardez pas. Pourquoi? Oh non, non, non, laissez-moi regarder par le trou de la serrure. Oh, ce doit être la femme de quelque imbécile de nos compatriotes. Oh, ah, Fabie, c'est ma femme. Oh, non, non, j'étouffe. Si j'avais le temps, je me trouverais mal. Bah allons, allons. Camille de Coutançon ne peut plus épouser Madame Palmieri. Voilà. Les 50 millions sont sauvés. Vous s'ouvrez pour la patrie. La patrie a ses limites. Allez, ouvrez. Ouvrez la porte du pavillon. C'est elle. C'est Missia. Oh, je vais lui donner une leçon. Souvent une vieille chanson peut nous donner une leçon. À quel mène, mon cher prince, racontez vite pour que tous en profitent. Dites, dites. Je raconte. Jean-Pierre adorait Jeannette, en faut-il plus pour être vu, mais tout de se taisait à tue-tête, car un obstacle était entre eux. Jeannette était riche, meunière, très bonne et jolie mouneur, tandis que la belle pauvre Pierre, que son cœur y s'achevera. Ne voulant pas parler la première, et plutôt que de dire le mot qui aurait fait le bonheur de Pierre, elle épousa cet idiot Jacot. Mon avis là-dessus, c'est le vôtre. Jeannette eut tort faisant cela, elle ne valait pas moins qu'une autre. Toutes les femmes en sont là. Mais heureusement, ce bon Pierre fut vite guéri. Il existe d'autres meunières et d'autres moulins à Paris. Quand il rencontra la coquette, il lui dit très allègrement : Garde Jacot, pauvre Jeannette, regarde mon cœur. Compliment. On nous quitte, pourquoi? Levez-vous, je suis chez moi. Je vais plein de gaieté, voir à votre santé, parmi de belles filles, dont le cœur s'éparpille. Manon, Lison, Ninon, six enfants, Jean, Toinon, voilà ma vraie famille, et voilà ma chanson. Enfin, je vous retrouve ici et je vais vous faire des reproches. Quel reproche? Vous ne songez pas à ce que la patrie souffrira si vous devenez Madame de Coutançon. Mais qui vous fait croire? Le pavillon où vous étiez enfermée d'une façon indigne. Taisez-vous. J'étais là pour sauver une amie, en prenant sa place et détromper un mari en lui faisant voir qu'elle n'était pas trompée. Alors, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Je peux laisser parler mon cœur. faites parler le cœur. Il y a 50 millions d'obstacles. Écoutez-moi. Comment ça? Le testament de mon mari, feu, dit que je perds ma fortune parce qu'elle sera mon nouvel époux. Il a testé ça, le feu? Il a! Quel idiot de feu, il a bien fait de s'éteindre. Allons, il faut nous résigner. Nous serons très riches et malgré ça, nous serons très heureux. Décidément, ce sont les femmes qui mènent le monde. Depuis qu'Ève, écoutant le serpent, séduisit cette bonne patte d'Adam, l'homme ne sait jamais ce que trame. Cœur de femme, femme, femme, femme, femme. Elle ne change du soir au matin. Dieu ne ressemble pas à demain.